Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de la mécanique des ondes, le dernier de l'année 2014. Le concept de l'émission, je vous le rappelle, c'est de donner la parole aux grands acteurs de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé à la radio et quelle est leur vision du média? Aujourd'hui, je reçois Éric Lange, animateur d'Allo la planète sur le Move et journaliste. Éric Lange, bonjour. Bonjour. Alors, je suis content d'être un grand acteur de la FM. Ben oui. T'as vu, c'est... Tout de suite. C'est bien, hein, Alors, oui. Éric Lange, vous êtes au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Eh bien, j'ai commencé ici. Et ça, c'est le scoop. Mais ça, c'est le scoop de l'année. Fréquence protestante. Ouais. En fait, on a tous commencé, je crois, beaucoup de ma génération dans des radios associatives. Il faut se rappeler que dans ces moments-là, ces années 80, il y avait des centaines, des milliers de radios partout en France. Et il y avait tellement de radios que il y avait les radios qui n'étaient pas autorisées, qui se débrouillaient, et puis il y avait celles qui étaient autorisées, mais il y avait tellement qu'on regroupait parfois, par fréquence. Alors ils essayaient de regrouper par fréquence, plus ou moins, je sais pas selon quels critères, mais toujours est-il qu'il y avait une fréquence où il y avait Radio Notre-Dame qui était catholique, fréquence protestante, et les Scouts de France. Oh là là, il connaît mieux l'histoire que nous. Et parce que quand j'étais petit, j'étais scout. Jusque vers 10-12 ans, enfin comme tout le monde quoi. Et déjà à ce moment-là, quand j'étais tout petit, je voulais être journaliste. Je voulais être quelque chose entre Corto Maltese, Kessel et Albert Londres, tu vois, déjà, c'est ça le truc. Et je sais pas, alors j'ai dû parler de ça à un moment, à une des jeunes femmes qui s'occupait de tous les gamins qu'on était, et cette jeune femme dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé si elle entend, des années plus tard, est devenue professionnelle, elle est devenue salariée de l'association des scouts de France et elle s'occupait de toute la promotion, elle devait faire les maquettes, les petits bouquins, les calendriers, choses comme ça. Puis arrivent les radios, donc l'association des scouts de France se retrouve avec 3 heures d'antenne sur la fréquence, hein, 100.7. Et elle a dû se dire à un moment, mais qui je vais appeler pour faire des ateliers radio finalement, tu vois. Et elle a dû se souvenir de moi, je sais pas pourquoi, et un jour le téléphone, j'étais encore chez mes parents, je devais avoir 17 ans, le téléphone sonne et puis c'était elle, elle me dit, mais je me souviens de toi, tu voulais être journaliste, tu veux pas, on sait pas quoi faire, on va faire de la radio avec des jeunes qu'on n'a jamais fait. Et voilà, et je me suis pointé là-dedans, et là, la magie a opéré. 17 ans. Ouais, dans ces eaux-là, ouais, 16-17 par là, ouais. Est-ce que ça décide des études par la suite? Ah ben complètement, parce que après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement aimé ça que il s'est passé un phénomène marrant. Je sais pas si d'autres ont eu ça. Moi, quand je suis rentré dans le studio, la toute première fois, j'avais jamais touché un micro de ma vie. La lumière rouge s'allume et je suis à l'aise tout de suite. Je crois que j'ai pas progressé depuis. Enfin, j'exagère un peu, mais ça a été tout de suite facile. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, si c'était un métier, on me paierait pour ça, alors que je fais ça comme si je prenais ma main, quoi. Ce qui s'est passé, c'est comme j'y allais tout le temps, j'ai passé mon bac, et puis après, j'ai continué, j'ai pas fait d'études. J'ai tenté je voulais faire science, ah si, parce que comme je voulais toujours être journaliste, à l'époque, fallait faire Sciences Po pour être journaliste. Tu sais, tu faisais un truc qui était, t'essayais l'examen d'entrée de Sciences Po, que j'ai raté, évidemment, parce que je faisais de la radio, t'avais pas le temps d'apprendre les trucs sur le baril du pétrole. Et après ça, du coup, tu te dis, tout le monde dit, ah, bah, je fais 3 ans de droit et après, j'attends que Sciences Po en deuxième année. Donc, 50, le truc hyper ambitieux, en fait, mais tu te rends pas compte. Donc, je me suis inscrit en droit à Malakoff et j'ai fait 2 cours là-bas. Il fallait apprendre le code civil par cœur. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai tout arrêté et j'ai fait de la radio. Voilà. Quand même, bac en poche. Oui, le bac, bien sûr. Comme et tous les petits Français, c'est important. Sinon, t'es pas intégré à la tribu. Et donc, ensuite, on va taper aux portes, hein, des radios. Alors, ce qui se passe après, c'est que sortant de cette histoire de radio communautaire ici, puis aujourd'hui on appellerait ça comme ça, je me suis retrouvé dans une agence de presse à l'époque qui s'appelait l'Agence Française de Communication qui appartenait au groupe Hersant et qui était malin parce qu'il avait fait l'AFP audio avant l'heure, où il y avait une rédaction avec 30 journalistes et on fabriquait une vingtaine de flashs par jour, plus des journaux d'infos d'une demi-heure, plus les courses, la météo, enfin tout le truc, quoi, comme voilà, presque un France Info en fait avant l'heure. Et ils balançaient ça par satellite et les radios locales, il y avait que des radios locales, il n'y avait pas encore de réseau, les radios locales qui n'avaient pas d'argent pour faire des infos s'abonnaient à ce truc-là et recevaient le son par satellite. Et eux, lui, il avait des abonnés. Nous, on fabriquait ça pour, je sais pas, 10, 20, il y a peut-être 100, 200 radios en France qui diffusaient ça. Et là, je me retrouve là-dedans en tant que stagiaire. Et voilà. Et donc là, je fais mes armes professionnelles, on peut dire. Je sors de là avec ma carte de presse, salarié, journaliste, tout fier. Là, j'ai, je sais pas, 18 ans, quelque chose comme ça. Et puis bon. dans ces années-là, tous ceux qui aimaient la radio, on passait notre temps à faire la tournée des radios. Tu sais, il y avait, tu pouvais rentrer, aller voir les gens à Énergie, à RFM, à Skyrock. J'ai écouté l'émission que t'as fait avec Manu. C'est marrant, il parle de la radio Rue Boileau, Alpha, ouais. Ou je sais plus comment elle s'appelait. Ben moi, pareil, on s'est pas croisés, mais pourtant pareil, j'allais là aussi Rue Boileau. Enfin, on allait partout, on regardait les adresses des radios, les annuaires, et puis on y allait sans trop savoir pourquoi. Les portes s'ouvraient, t'entrais là-dedans et t'essayais de trouver un pote qui était là, peut-être éventuellement. Et puis comme tout le monde avait besoin de tout le monde, voilà. Je tombe par hasard parce que sur Pierre Bélanger qui était le directeur de la Voix du Lézard, parce que je vais au Forum des Halles comme tout le monde pour voir la Voix du Lézard qui était la radio branchée à Paris, un peu berlinoise machin tout ça, et Bélanger venait de signer un contrat avec, je crois que c'était le groupe Philippe Aki à l'époque, Pierre si je dis une connerie t'appelleras, je crois que c'était Hachette Philippe Aki, où il leur avait dit je vais transformer la Voix du Lézard en une radio plus importante, il me faut des sous, gna gna, tout ça. Alors bon, les histoires d'ailleurs, je sais pas qui avait des capitaux de ça, mais enfin bon bref, il a des sous qui arrivent, et dans ce qu'il leur avait promis c'était de l'info. Et il fallait faire un flash par jour, tout ça. Et la personne qui devait s'occuper de 20 infos venait de lui claquer entre les doigts. Tout devait commencer 3 semaines après, le lancement de Skyrock, mars 86 ou février, je sais plus. Et donc il tombe sur moi, le petit gars, là, je devais avoir 19 ans, disons, ouais. Et il me dit, bah vas-y, bah fais une grille d'infos, deviens rédac en chef, voilà tes rédac en chef. Lui, ça l'arrangeait, tu vois. Il avait... Et voilà, et on a monté une grille d'infos sur Sky. C'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et là, les premiers chèques, les premiers salaires, tout ça. Combien de temps ? 2 ans. 2 ans, ça marchait très bien. On faisait, moi, j'avais calqué bêtement tout ce que j'avais appris à l'AFC, à l'agence, sur Skyrock. Donc, des flashs toutes les demi-heures. Non, mais c'était hyper ambitieux, pour moi. Des flashs toutes les demi-heures de 5h30 du mat à 9h. Et après, des flashs toutes les heures jusqu'à minuit. Et non mais de trucs de fou quoi. Et donc on a engagé 2-3 journalistes, on avait l'AFP, on cherchait des moyens rigolos. Alors tu sais, on tournait autour du truc comme tout le monde. Bon, comment on fait de l'info sans être emmerdant, pour être différent, parce qu'il fallait être différent forcément. Donc on triturait l'info, on mettait en avant d'autres thèmes que les autres. On faisait des interviews coupées en petits morceaux pour en diffuser des bouts. On a eu des bonnes idées. Hein. On fabriquait des micro-programmes en fait. Pour l'intégrer dans la musique, c'était ça. De base, vous étiez quand même journaliste, ouais. Et finalement, vous êtes passé à la fabrication, donc vous aviez des idées. Ouais, c'est-à-dire, on cherchait, tu vois, t'es là, tu dis, bon, alors on fait le flash classique, la météo, la politique, le sport, le machin, l'international. Bon, mais après, on se disait, on a quand même plus de liberté, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, on réfléchissait même pas, on se disait, mais finalement, personne, c'est nous les chefs, donc allons-y. Et c'est là où on commence à faire les habillages d'infos, on commence à dire, on met de l'info people d'abord, ou de l'info rigolote d'abord, ou la fameuse petite info rigolote en fin de flash, bon, bah, c'est là où on l'invente. Après, on a fait des ficelles aussi marrantes, où tu commences par une info qu'on trouvera pas ailleurs. Et puis après, que t'étales un petit peu, et puis au milieu, tu mets les 3-4 infos indispensables, puis tu reviens. Enfin, on a trituré les flashs dans tous les sens. Je crois que ça se fait plus beaucoup maintenant, mais voilà, on cherchait tous. On faisait même des faux flashs. On faisait un flash, je me rappelle, un flash de 11h sur Skyrock, il y avait un vrai flash, mais il y avait une fausse info dedans. Non, mais n'importe quoi. Et t'appelais, et si tu trouvais la fausse info, c'était, tu gagnais un cadeau. Donc t'annonçais au milieu d'un flash normal, le pape est mort, ou un truc comme ça, et, ou alors tu partais en vrille sur n'importe quoi, et voilà, tu en triturais l'info comme on voulait. C'était bien, c'est marrant. Alors du coup, à ce moment-là, vous faisiez plus d'antenne du tout. Si, parce que je faisais rédacteur en chef, plus tous les flashs et les billets d'humeur et les jeux et les trucs, le matin de 6h à 9h avec Malher, qui était animateur. C'est là qu'on a créé une espèce de duo, enfin il s'est créé tout seul, Malher était l'animateur principal, et moi j'étais une espèce de personnage qui revenait toutes les demi-heures, puis après toutes les 20 minutes, puis après il m'a fait faire un billet d'humeur, puis je faisais un jeu, puis je faisais un truc, et c'est devenu une sorte de duo avec l'animateur principal qui était Malher, et moi qui était là, voilà. Donc il m'a appris beaucoup d'ailleurs. C'est lui qui m'a tout appris après, sur l'animation. D'accord. Ouais. Et donc vous êtes resté 2 ans à Skyrock. Comment ça se termine ? Bah ça se termine, mes rêves de journaliste me lâchent pas. J'adore toujours la radio, mais je me dis, bon, mais j'aimerais quand même faire d'autres choses, quoi. Soit je fais carrière là-dedans, soit... Enfin, je ne raisonnais même pas comme ça, j'ai envie de faire autre chose. Et là est arrivé un copain de Malher. T'imagines, Skyrock, novembre, niveau -1 du Forum des Halles, il pleut, on est fatigué, on s'est levé à 3h du mat, on est tout gris, parce qu'en plus c'était une période euphorique, on était invités partout, on allait en boîte tous les soirs, on arrivait bourré à l'antenne, en fait, voilà des trucs. Donc on était sale gueule, t'es fatigué. Et là, je tombe sur un gars, Pierre-Marie Bernou, tiens, il s'appelait, qui arrive, habillé en blanc, tout bronzé, beau, le mec, en pleine forme. Il vient voir son pote Malher, je dis, mais d'où tu sors, toi? Et il était journaliste à Tanger, sur une radio qui s'appelle Média, au Maroc, une radio d'information qui arrosait tout le Maghreb. Et il me dit, mais viens, si tu veux, il y a de la place tout le temps. Et donc, je suis parti là-bas, et j'ai fait 1 an à Tanger, comme journaliste très sérieux, là. Là, il fallait pas rigoler. Alors, 1 an à Tanger, il y a eu une exposition il y a pas longtemps à la Gaîté Lyrique sur Tanger. Ouais. C'est quand même spécial. Bah quand t'as, alors du coup 20 ans, hein, on grandit un peu à chaque fois, uh-huh. Quand t'as 20 ans, que t'as un salaire français, une condition d'expatrié, une maison de fonction, ton salaire finalement c'est de l'argent de poche, et il est, non mais c'est vrai ce que je veux dire, mais enfin il est 5 fois le niveau de vie local, puisque t'es payé en niveau de vie français, c'est une aventure, ouais. C'est une aventure. Je sais qu'il doit y avoir des dossiers, donc. Je peux te faire un roman. Non, mais il y a eu deux aspects. Il y a eu l'aspect professionnel d'un côté qui était vachement intéressant parce qu'il fallait faire des papiers très sérieux qui s'adressaient à 20-30 millions d'auditeurs arabes. Donc tu parles au Maghreb et sur une info, une radio d'info. Donc quand on te dit, fais deux minutes sur le rôle du Hamas au Liban, que t'as trois heures, tu fais hyper gaffe, tu pèses chaque... Là, t'apprends une rigueur incroyable. Ça, c'est le côté pro qui était vachement bien. Et puis, il y a le côté personnel où tu te retrouves dans une ville de pirates avec que des dealers de shit et de cocaïne, des filles extrêmement faciles, le rock'n'roll, la fête, Tanger. Tanger, quoi. Voilà. C'est pour ça que je suis parti. Parce que si je reste, ça va mal finir. C'est vrai, en plus. Et donc, on revient en France après Tanger. Mais comment on revient? T'as deux heures? Non, ben bon, donc je reviens, il se passe un tas d'histoires à Tanger, puis je reviens en France, et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je retombe sur Malherbe, qui en avait marre de... Alors, où est-ce qu'il était, lui? Je sais plus. Et on se dit, on va faire une maquette, tous les deux, qu'on va donner à tous les patrons de radio de Paris, et on verra ce qui se passe, pour un morning. Et en fait, ça a été qu'un seul patron, qui était patron d'RFM à ce moment-là. RFM se faisait racheter par un groupe de communication anglais, qui s'appelait Crown Communication, je crois. Et ils avaient besoin d'un morning. Et Malherbe avait un copain qui là-bas qui nous a prêté un studio pour faire la maquette. Et puis le patron, il a écouté la maquette, c'était dans son studio à lui. Et il a dit, je vous prends. Voilà. Et on s'est retrouvés à faire le morning sur FM tous les deux. Comme ça, je suis rentré. Ça, c'était bien. Pendant combien de temps? Un an. Seulement. Ah oui, non, mais c'est, ah oui, moi, ma vie, c'est un peu le problème, c'est que c'est toujours très court, quoi. On fait un an, alors là, de délire total. Open bar sur les vannes, mais c'était d'un irrespectueux au possible. Aujourd'hui, tous, je pense, même quand on donnait l'heure, ce serait censuré. C'était absolument incroyable. C'était tout et n'importe quoi. C'était de l'humour au napalm. On adorait ça. Et puis, c'était une radio qui était marrante parce qu'il s'est pas, bon, ça a jamais marché, leur format. C'était un bide total, mais ils ont fait une erreur. Ils se sont dit, on va engager plein de gens connus, très pros, on va les mettre là-dedans. Mais il n'y a pas eu d'unité. Il y avait Antoine Decaune, il y avait Albert Algoud, il y avait Carl Zéro, Eddie Mitchell. Ils se sont dit, émission de cinéma, Eddie Mitchell. Émission de reggae, Yannick Noah. Non, mais, tu vois, c'est ça. Et tu te retrouvais dans un univers comme ça avec des tas et de gens. Hétéroclite, finalement, avec des gens qui se parlaient mais pas. Mais voilà, en fait, chacun venait faire son truc, il repartait. Mais du coup, il y avait, tu sais, en radio, ce qui est vachement important, c'est le personnage, c'est la mayonnaise, c'est la sauce. C'est le personnage qui va créer autour de tout ça une unité. Et là, il n'était pas là. Donc, on venait tous cachetonner quelque part. Donc, on faisait notre truc, on prenait notre salaire et on repartait. Et du coup, c'est arrivé à plein de radios, ce défaut-là. D'ailleurs, récemment, je l'ai vu à Radio France. C'est, en fait, quand t'as pas le cuisinier, t'as tous les ingrédients les uns à côté des autres, mais t'as pas le plat, quoi. Et donc, les gens étaient bons. Il y avait des très bonnes émissions. Je me souviens de Decaune qui faisait un truc qui est devenu culte. Cherchez sur Internet, vous en trouverez sûrement, qui s'appelait Babubi Bobu. C'était un délire radiophonique, mais c'était, il y a un côté génial là-dedans, tu vois. Mais voilà, donc ça foire au bout d'un an. Ils virent tout le monde, ou à peu près. Vous avec? Non, alors, nous, ils nous virent pas. Ils nous disent, maintenant, ils virent les trois quarts et ils reviennent à une radio musicale avec des animateurs pouce-disque, quoi. Et moi, à ce moment-là, je me dis, non, mais je vais partir, je vais faire le tour du monde. Bon. Malher, lui, il reste. Il dit, je reste. Et moi, je pensais, tu vois, comme quoi la vie, c'est marrant. J'étais sûr d'avoir des sous sur mon compte. Je comptais pas mes sous. Je compte toujours pas. Enfin, je suis une catastrophe comptable. Et j'étais sûr d'avoir un peu de sous. Donc, je me disais, je m'en vais. Et puis, je vais claquer mes sous. Je vais retourner au Maroc. Puis, je vais me balader. On verra ce qui se passe. Et puis, non, je vais à la banque. Et elle me dit, non, vous n'êtes pas à plus 5 000. Vous êtes à moins 5 000. Ah, merde. Et j'avais démissionné. Et là, le hasard de la vie fait que je tombe sur un copain. Tu m'arrêtes hein, quand t'en as marre. Parce oui, que c'est mon rôle. Vous m'arrêtez. Un copain, Victor Vicky, qui était directeur d'antenne de Fun Radio. Et on déjeune ensemble et je lui dis, oh là, je voulais faire le tour du monde, mais j'ai pas un rond. Et puis il me dit, mais si tu veux, pars. Et puis moi, je te paye en notes de frais. On met des sponsors autour et tu racontes tous les jours ce qui t'arrive. Voilà. Et donc, ouais. et donc, on fait ça. Je pars. Lui, il me donnait pas de salaire, mais j'envoyais des notes de frais de tout et n'importe quoi, d'hôtel, de billets de train, de tout ce que tu veux. Et autour, ils ont mis des sponsors. Ça a duré un an, cette affaire. J'ai été sponsorisé là. C'était sublime par Air France. Et en fait, j'avais une carte, j'allais dans les aéroports et je disais bonjour, je voudrais aller là. Et je montais dans l'avion et j'allais là. C'est le rêve de tout voyageur. On va s'arrêter tout de suite, on va faire la pause musicale avant qu'on parte faire le tour du monde. Eric Lange, vous avez choisi quoi à écouter? Chet Baker. Valentine, non, c'est Valentine. Ça je te dis pourquoi on écoute. Bah ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi quand même. Parce que c'est quelque chose, je connaissais le nom, mais j'ai découvert très récemment parce que la femme qui partage ma vie en ce moment est musicologue et elle m'a fait découvrir Chet Baker et du coup j'aime Chet Baker en ce moment. Voilà. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my fate. Toujours sur Fréquence Protestante dans la mécanique des ondes avec Chet Baker qui était le choix d'Eric Lange aujourd'hui. Ah, ouais, c'est beau. Hein. Ah ouais, effectivement, ça repose un petit peu pendant 5 minutes. Bien, ouais. Alors, on part sur la route pendant 4 ans, sponsorisé par Air France. Alors, pas que Air France, en fait, ça va durer 4-5 ans, sur Fun, sur Skyrock, re-sur Fun. Le truc était toujours le même. Moi, je partais, je me baladais dans le monde, j'allais où je voulais, comme je voulais. Et eux mettaient des... Alors, il y a eu Air France, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu, je sais plus, il y a eu Canada Dry, il y a eu... les vêtements Millet, enfin je dis ça, enfin ouais. Bon, eux ils mettaient des annonceurs autour et soit moi j'avais des billets d'avion gratuits et des notes de frais, soit un SMIC, l'équivalent d'un SMIC quoi, voilà, ce qui me permettait d'avancer. Et ça dure 4-5 ans où je me balade, mais c'est extraordinaire hein, quand y repense, comme je veux, libre comme l'air, tu vois. J'étais une fois en Inde et je me vois à Delhi après un mois en Inde à l'aéroport. Je vais où? Tiens, si j'allais en Afrique du Sud, bon bah pouf, tu vas en Afrique du Sud, puis après Afrique du Sud il faudrait que je me repose un peu, hein, tu vas dans Tahiti, et puis après tu dis bon allez, faut que j'en mette un petit coup de baroud, hein, tu vas au Vietnam, enfin un truc de fou. Et avec comme contingence quand même qui est assez balèze, c'est qu'il fallait raconter une histoire par jour quand même aux auditeurs. De combien de temps? 3-4 minutes. Alors soit sous forme de dialogue avec l'animateur, soit des papiers enregistrés. Il y a eu une période cassette où j'envoyais des cassettes par Chronopost et DHL de partout dans le monde, donc il y avait un décalage d'une quinzaine de jours, soit par téléphone. Donc il y avait quand même, c'était un voyage bizarre pour ça, où tu passes ta journée à regarder tout, à prendre des notes sur tout, pour trouver une histoire tous les jours. Et puis surtout, il faut bouger tout le temps, parce que les auditeurs sont exigeants, et si tu restes 3 semaines au Vietnam, ils s'en foutent. Donc je restais jamais plus de 2-3 jours au même endroit. Donc j'ai survolé la planète. Alors, il y a des endroits où je suis revenu plein de fois, mais j'ai survolé comme ça la planète pendant 4 ans, en étant dans une espèce de mouvement perpétuel obligatoire. C'était assez bizarre comme voyage, comme balade. Et ben c'était génial, c'était extraordinaire. Et personnellement, justement, en quoi ça vous a enrichi ce voyage, ou qu'est-ce que vous en avez tiré finalement? Comme tous les gens qui font des voyages, je pense que ça t'ouvre l'esprit. Mais c'est extraordinaire, ce que tu as accès tout à coup à tout ce qui existe dans le monde. Tu le palpes, tu le touches, donc ça éveille tous tes sens, ça éveille ton intelligence, ça te donne une culture. Non, mais c'est, enfin, j'ai l'air un peu d'en rajouter là-dessus, mais c'est par moments. Je me disais, mais j'ai plus appris en voyage que dans toutes mes années d'école. Enfin, ce qui est faux, parce que t'apprends d'autres choses, t'apprends à écrire. Hein. Mais tu vois, tu palpes, tu touches tous les peuples de la Terre. C'est extraordinaire. Ça te transforme ma vie, c'est évident. Ça t'apprend de la tolérance aussi, beaucoup. Et le doute. Tu sens que tu peux avoir tort sur tout ce que tu crois. Tu vois, parce que tu croises des gens qui vivent de façon tellement différente. Tu te dis, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est peut-être eux pour raison, et puis après tu en croises encore d'autres que de façon différente. Enfin, c'est extraordinaire. Je conseille à tout le monde, je pense que dans l'éducation des gens, il devrait y avoir payé par l'État, non sérieux, 1 an de voyage autour du monde, ça vous fabriquerait une génération de petits Français, mais qui seraient extraordinaires et heureux. Et ça coûterait pas si cher que ça. Enfin, dans un sens, Erasmus... Erasmus, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'encourage à fond... D'où allô la planète après d'ailleurs. Ah, justement. Continuité de tout ça. Au bout de 4 ans, faut rentrer. Non, alors là il y a encore un bon plan. Je m'arrête à New York et je fais pendant presque 6-8 mois un pré-morning sur Fun en direct de New York. En même temps avec le décalage horaire, ça. Mais ça marchait. Je faisais ça vers minuit 1h et c'était 5h-6h le matin à New York. Un talk d'une heure avec des auditeurs. Alors à l'époque c'était un peu révolutionnaire, mais j'avais un petit appareil chez moi avec un micro. On était branché par liaison spécialisée avec le studio à Paris. C'était du bricolage, mais ça marchait très bien. Et je faisais un talk depuis New York. Je me suis posé à New York. Je faisais gagner. C'était marrant. Je discutais avec les gens. Je les faisais venir à New York. Non, c'était marrant. Et après, je reviens à Paris. Là, il se passe plein de choses. Je retravaille pour Fun Radio. On fait un an d'une antenne. RTL rachète Fun à ce moment-là. Ils nous demandent de faire un RTL pour les jeunes. Et puis ils arrêtent au bout d'un an parce que ça coûtait très cher. Parce que quand tu fais du fond, là, on déborde, c'est le problème de la radio, mais quand tu fais que de la programmation musicale, tu prends 5-6 animateurs, la radio coûte pas cher. Si tu veux faire des émissions, alors il faut un journaliste, un standardiste, une assistante, un animateur, un technicien, des heures de studio, ça coûte plein d'argent et ça en rapporte pas forcément. Donc voilà. Donc ils arrêtent, et là, alors je te la fais courte parce que sinon il y en a vraiment pas. Là, je pars pour RFM et Europe 2, qui était dans le même groupe, le groupe Lagardère. Je travaille pour les deux, je fais des émissions d'un côté, des voix off de l'autre, etc. Après, je fais un peu de prod télé, je goûte à ça. Et alors? Et j'aime pas, parce que c'est très bien pour les gens qui aiment ça, mais la télé, c'est un univers, c'est autre chose, quoi. C'est un autre monde. D'abord, c'est vraiment que basé sur l'argent, il y a que ça. Quand tu fabriques des émissions, tu penses à tout, tout le temps. Alors, t'imagines, tu fais une émission, il faut une table, il faut des chaises, il faut infuser le truc, il faut un décor, il faut des spots, tout à un coup. Alors, tu sers les budgets dans tous les sens. Puis, quand t'as tout fait, les gens disent, bon, on met quoi dedans? Bon, bah, on s'en fout, on va faire le moins cher, on met 5 mecs autour d'une table, c'est ça qu'ils font, de toute façon, depuis. On met 5 mecs autour d'une table, 2 invités sympas, un animateur rigolo, et roule ma poule, un peu de cul, et voilà, quoi. Et donc, c'est une démarche, pour ceux qui l'animent, il faut avoir envie d'être star. Voilà, il faut vouloir, il faut se battre pour la notoriété. D'ailleurs, je reconnais leur travail et leur talent parce qu'il y a du monde qui veut le faire et c'est très dur si tu veux devenir. Voilà. Et soit tu veux devenir toi, soit tu veux devenir riche. Et j'étais pas bien là-dedans. Voilà. Et à ce moment-là, j'invente l'idée d'Allô la planète. En quelle année? L'idée, c'est 2003. La première idée où j'ai l'idée, je me dis tiens, en fait l'idée naît du fait que à ce moment-là arrive le MP3, la diffusion du son par internet gratuitement dans le monde entier. Ça a l'air d'être là depuis toujours, mais non, c'est pas si vieux que ça, mais, mesdames et messieurs, ça a une dizaine d'années, 10-12 ans. Le MP3 arrive et là il y a un technicien à Europe 2, je me rappelle, qui me dit ça y est, on peut envoyer Europe 2 pour pas un rond à Singapour et c'est rediffusé là-bas. Alors moi ça tourne là-dedans, et puis je me dis, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire une émission par Internet qui sera reprise par des radios dans le monde entier, et on fera un talk avec des auditeurs du monde entier ensemble au même endroit. Voilà. Est-ce que vous proposez cette idée? Je fabrique cette idée avec Manu. Je sais pas si t'en as... Voilà, avec Manu Lévy, je lui parle de ça, et comme c'est un fan de radio et de son, il a un style studio de prod, il me dit, ok, on le fait, on n'a pas un rond, mais je finance le truc, donc pas de salaire, rien, mais on le fait, on va voir ce qui se passe. Et donc on se plante dans le studio de Manu, on arrive à joindre 20-30 radios francophones dans le monde, des toutes petites radios partout en Belgique, en Suisse, à droite, à gauche, et on le fait pendant 3 mois, je fais 2 heures de talk tous les soirs avec des gens qui appellent sur un standard, et vas-y, et c'est des discussions avec un type qui est en Belgique, un type au Canada, à droite à gauche. Et ça marche très bien, ça marche vraiment bien. Moi j'étais persuadé que ça suffirait que tout le monde nous l'achèterait. Bon évidemment on déchante parce que personne comprend ce qu'on fait finalement. Et il y a un truc aussi qui joue, c'est qu'à ce moment-là il y a eu la bulle internet qui a explosé. Tous les patrons de toutes les radios de partout avaient perdu du pognon. Et dès que tu mettais internet dans un dossier, il était brûlé à l'époque. Tu te rends compte? Aujourd'hui si tu le mets pas, il passe pas, mais à l'époque, il était brûlé. Alors donc c'était il y a 10 ans finalement. Et ouais, c'est marrant hein. Et alors nous on arrive avec notre dossier où tout repose sur internet, donc voilà, il nous brûle tout. Manu repart mener sa vie, je sais plus où il était à l'époque, Fun, machin, jusqu'à Énergie, et puis moi, je repars aussi jusqu'à ce que je tombe, mais je lâche pas mon truc. La persévérance là, petite leçon. Je vais régulièrement voir tous les patrons de radio en leur disant il faut faire un talk avec des gens dans le monde. Ça marche pas, nulle part. Ça passe pas. Jusqu'à ce que Frédéric Schlesinger, que j'avais connu avant Europe 2 RFM, devienne patron de France Inter. Et il cherche à ce moment-là une émission de dialogue avec des auditeurs, mais qui soit différente des dialogues habituels et tout. Il retombe sur mon dossier, il m'appelle, il me dit viens le faire sur Inter. Et voilà. Et c'est comme ça que je l'ai fait sur France Inter. Et là, on est en 2006. Voilà, 2006. Et alors, du coup, c'est pas une émission dite multidiffusée avec des radios, mais ça devient une émission qui parle du monde par ceux qui y sont. Parce que France Inter est très écoutée. Bon, déjà rien. Si tu parles sur France Inter en France, t'es déjà écouté en Suisse, en Belgique et dans les dom-toms. Tous les expatriés qui se baladent se mettent sur Radio France quand ils sont, tu vois, par Internet. Donc je me retrouve avec une audience mondiale et on fabrique un show comme ça sur Inter pendant 4, 4 ans, jusqu'en 2010. Changement de présidence, Jean-Luc Hesse arrive comme président de Radio France et il a comme projet de relancer le MOUV pour en faire une radio généraliste pour les jeunes. Et dans sa logique que je reconnais, il se dit une émission comme Allô à la planète, je vais l'enlever, il y a une logique là-dedans dans son raisonnement, je vais l'enlever de France Inter, je vais la mettre sur le MOUV et on va faire parler les jeunes qui sont dans le monde. Ce qui n'était pas bête. Le problème qu'il y a eu après, c'est que l'expérience du MOUV, l'aventure du MOUV a échoué. Alors là, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais sur plein, pour plein de raisons. Mais Allô la planète a survécu, curieusement. Oui, enfin, parce que vous avez toujours autant de gens qui vous appellent. Ben oui, parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde dans le monde. En fait, c'est aussi simple que ça. Il y a de plus en plus, ça je le... Donc l'émission, maintenant, elle existait après sur le MOUV. Maintenant, elle est sur Internet. Vous pouvez l'écouter tous les jours sur le net. Un canal 24-24. Avec un canal, on a fait une petite expérience marrante à Radio France. Il paraît que c'est la première fois que ça se fait dans le monde. D'ailleurs, j'en ai marre de faire des premières dans le monde. À un moment, je voudrais faire un truc. Enfin, bon, bref. Eric Lange est trop original. Non, c'est pas ça. C'est même pas volontaire. C'est l'idée me paraît. D'ailleurs, en la faisant, je me dis, mais pourquoi tous les animateurs font pas ça? En fait, tu fais un canal sur Internet, ça coûte rien. Voilà. Et au lieu de faire une radio, tu mets une émission tout le temps. Voilà. Tu fais 24 heures d'Eric Lange. Tu pourrais faire 24 heures de ce que tu veux. Et donc, on met les émissions les unes après les autres au fur et à mesure qu'on les fabrique sur ce canal. Et vous pouvez aller sur le canal 24-24. Tu te mets n'importe quand, t'entends des gens dans le monde qui racontent des histoires du monde. Depuis le temps que je fais cette émission, tu vois, on parlait d'Erasmus. Il y a Erasmus qui a changé une mentalité. Donc, les gens voyagent plus. Il y a Erasmus, il y a les retraités, il y a le monde. Les low cost. Et le monde qui est accessible. Parce que quand je te racontais toutes mes histoires de tour du monde, toi, tu vas pas en revenir. Mais à l'époque, par exemple, tu pouvais pas aller en Russie. Tu pouvais pas aller dans tous les pays de l'Est. Ça fait beaucoup, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, tout ça c'était fermé. Tu pouvais pas aller en Chine, tu pouvais pas aller au Vietnam, tu pouvais pas aller au Laos, tu pouvais pas aller au Cambodge, tout ça c'était des dictatures communistes fermées. L'Amérique latine, mais il y a plein de pays qui étaient dangereux, il y avait aussi des dictatures militaires là, pour le coup cornaquées par les États-Unis et puis il y avait tous les problèmes de Pablo Escobar et de machin tout ça. Donc la Colombie, tu pouvais pas y aller, le monde finalement était plus réduit. Tu pouvais aller, tu vois, c'était moins facile de voyager. Aujourd'hui, les éditeurs, ils partent d'ici, de France, et ils vont à l'autre bout du monde sans prendre l'avion, tu vois. Ils traversent toute l'Asie, toute la Chine, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, la Russie. Finalement, aujourd'hui, tu peux aller partout, à part les zones de conflit. Voilà, tu vas pas aller en Syrie, en Irak aujourd'hui, tu vas pas aller, tu vois, il y en a pas beaucoup finalement. Hein. Corée du Sud, du Nord. Corée du Nord, voilà. Bon, après, c'est tout. Après, tu peux aller à peu près partout. Birmanie, maintenant, c'est ouvert. La Birmanie, c'est ouverte. Voilà. Donc, forcément, comme tu peux aller partout, les gens vont partout. Tu sais, j'entends souvent des débats. Les jeunes Français, la fuite des cerveaux, ils quittent la France parce qu'ils aiment pas. Non. C'est juste que le terrain de jeu est plus grand, donc tout le monde y va. Aujourd'hui, tu peux monter un hôtel pour 5000 balles au Laos. Qu'est-ce que tu vas expliquer aux gamins de 25 ans de pas le faire? En plus, il y a des pays improbables qui ont des croissances économiques étonnantes. Le Pérou a 7% de croissance. Donc forcément, t'arrives là-bas avec tes 20 000 balles, tu vas pouvoir monter un business. Voilà. Les gens bougent plus. Puis ils font plus d'enfants à l'étranger. Ils créent des familles ailleurs. Et voilà. Donc il y a plus de monde dans le monde. Donc il faut faire une émission pour les gens qui sont dans le monde. Mais je pense que dans 20 ans, on fera tous de la radio mondiale. C'est obligé. Tu le fais déjà, on le fait déjà, c'est sur Internet. Donc déjà, t'as forcément quelques auditeurs quelque part qui vont écouter ce qu'on est en train de dire. Mm-hmm. Ça existe. Donc c'est pas encore pris en main par les radios, mais ils vont le faire, bien sûr. Bon alors, le MOUV, c'est un grand dossier. Quel est l'avenir en fait de cette libre antenne internationale ? Mondiale. Pour tout te dire, je suis en train de revoir avec la direction de Radio France l'idée de départ qui était de faire un talk multidiffusé avec des auditeurs dans le monde. Voilà, je suis reparti là-dessus en me disant qu'avec le pouvoir, les armes de Radio France, la francophonie, l'évolution des choses qui fait que maintenant tout le monde a besoin de faire... Tous les patrons de radio aujourd'hui disent Internet, disent il faut faire du podcast, ils sentent bien que l'audience baisse. Ça va doucement, hein. 90% d'audience, ça reste la radio. Mais on sent qu'on va vers le net. Donc tout le monde veut faire du net. Donc je me dis, avec ma malédiction, qu'il faut toujours que je fasse des trucs nouveaux, que je vais leur proposer quelque chose comme ça qui soit un vrai mélange de radio et d'internet. Donc je suis parti là-dessus, je peux pas t'en dire plus parce que bien sûr, si on est dans des réunions, des machins. Salut Eric, je profite de mon passage dans cette radio pour t'adresser un salut fraternel. Alors je sais que pendant des années, t'as animé une émission qui s'appelle Allô la planète. Et je me demandais, parce qu'on n'en a jamais parlé personnellement, si les radios pour lesquelles t'avais travaillé, t'avaient fourni un forfait illimité. Non, parce qu'Allô la planète. Philippe Audouin. Oui, c'est Philippe. C'est lui, j'ai reconnu. C'était l'invité adorable. Précédent. Adorable. Un collègue de Radio France. Oui, oui, oui, adorable. Audouin. Est-ce qu'il me fournissait des... comment ça se passait? Non, j'étais devenu le pro du collect call, parce qu'il n'y avait pas encore de portable au début de mes voyages. Alors, je savais comment appeler ce qu'on appelait. Alors, ceux d'aujourd'hui ne sauront pas, mais avant, on pouvait appeler en PCV, je ne sais plus comment on disait. C'est-à-dire que c'est la personne qui recevait l'appel qui acceptait ou pas de le payer. Et je passais ma vie à faire ce qu'on appelle aux États-Unis un collect call. Je me vois dans toutes les cabines des États-Unis. May I have a collect call to France? Et puis, eux, ils appelaient le standard de Fun ou de Sky. Ils tombaient sur un stagiaire qui comprenait rien. Donc, j'étais le pro du collect call, en fait. Et puis, après, on a commencé à avoir des téléphones portables pour le faire. Et là, je louais des téléphones portables. C'était des gros trucs comme ça. Ouais. Ouais. Alors, un questionnaire rapide. Quelle radio vous réveille le matin? France Inter, ouais. Et je vais te dire pourquoi en deux mots, parce qu'avant j'étais pas spécialement Radio France, mais quand tu commences à bosser à Radio France, t'écoutes les radios de Radio France et tu te déshabitues de la pub. Et quand tu commences à te déshabituer de la pub, il est très dur de revenir après écouter Monsieur Leclerc. Et du coup, France Inter le réveille. Ouais. Quelle radio vous endort le soir? Aucune. Je mets plutôt des disques, ou alors sinon FIP. Ouais. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Dans la cuisine, en faisant à manger. Et là, en revanche, je vais plutôt écouter des trucs commerciaux, hein, pour que ça bouge, quoi. Tous les jours. Hein. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, forcément. Pardon, quel... Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Un endroit où j'écoute... dans mon lit. Je n'ai pas envie. Bon, autre chose à faire. Votre meilleur souvenir de radio? Il y en a plein, il y en a tellement, des beaux souvenirs de radio. Bon, un récent, une très belle histoire. Pendant la révolution tunisienne, donc il y a 2-3 ans, j'étais au MOUV, on faisait l'émission en fin d'après-midi, début de soirée. Et il y a eu une période bizarre dans cette révolution tunisienne où pendant 2 jours, il n'y a plus eu de pouvoir. Il y avait plus de pouvoir. D'ailleurs, c'était un peu paniquant pour les Tunisiens parce qu'il y avait plus de police, plus d'armée, donc il y avait des vols, mais il y avait une carence incroyable du pouvoir. Et là, j'ai l'idée d'appeler une radio qui s'appelait Express FM à Tunis. Et je tombe sur un gars et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Au départ, je voulais juste le faire parler dans Allô la planète, tu vois. Et il me dit, mais je sais pas ce quoi faire. Nous, normalement, on est une radio qui appartient, alors soi-disant privée, mais en fait, qui appartient à quelqu'un du gouvernement, qui a disparu, qui est parti. Et on est là et on sait pas quoi faire. Donc on met des disques, on parle, on raconte ce qui se passe dans la rue. Mais on sait pas. Et je dis, tu veux pas, on fait 1 heure de libre antenne en duplex. Et le lendemain, on a réussi à le monter. Puis il y avait un journaliste de Radio France qui était parti là-bas pour couvrir la révolution. Je l'appelle Philippe Randet, que Dieu le bénisse, il est à France Inter maintenant. Il est allé dans le studio. Alors, ils ont été acheter une antenne satellite chez les Chinois d'en bas. Ils ont mis l'antenne satellite sur le toit de la radio. Tu peux écouter le MOUV par CanalSat ou je sais pas quoi. Ils ont branché le truc sur leur console. Donc ils ont diffusé le son du MOUV sur leur radio en Tunisie. Et nous, on était les auditeurs tunisiens appelait la radio à Tunis, la radio à Tunis nous les passait, et on a fait 1 heure de libre antenne, j'ai pratiquement rien dit, avec tous ces Tunisiens qui étaient dans la rue, qui découvraient la liberté, et qui n'arrêtaient pas, et c'est 1 heure, il faudrait la réécouter, c'était incroyable que des gens qui étaient heureux, qui étaient dans la rue, enfin j'avais les Tunisiens en train de vivre leur révolution, et qui pour la première fois de leur vie faisaient parler librement à la radio, et c'était chez nous. J'étais très content. On était très fiers avec Anka, qui est l'assistante avec qui je travaille. Bah, Anka, que tu connais, voilà, depuis des années. Et on était là, on se dit, mais on a fait un truc de dingue, quoi. Et après, on s'est dit, putain, personne ne le sait. On a fait un truc extraordinaire. Bah, c'est toujours pareil. Voilà. Oui, mais on le fait pour des auditeurs aussi, hein. Voilà, Il y en a qui, voilà, ils étaient acteurs en plus ce jour-là. Ouais, c'était fou. Hein. Et le pire souvenir, parce que Eric Lange a beaucoup de très très bons souvenirs, mais il y en a bien un pire. Il n'y en a pas tellement des pires, quoi. Tout se passe bien. Le pire. Un truc qui me serait arrivé en direct, qui aurait foiré, ou qui aurait mis mal à l'aise, il n'y en a pas vraiment eu. Non, il n'y a jamais vraiment eu de trucs très durs, de galères, de... Non, les pires, c'est à chaque fois quand tu dois quitter une émission ou arrêter une émission que t'aimes pour X raisons. Bon, ça, c'est toujours dur. T'es là, t'es aigri, t'es méchant, t'es mauvais, tu le vis mal, mais puis tu rebondis. Mais voilà, c'est le moment le pire, en fait, c'est quand... Si, le pire moment à chaque fois, c'est quand tu fais un talk, que il marche pas... Bon, que le patron a choisi d'arrêter parce qu'il dit y a pas assez d'appels. Et là, tu t'arrives au micro et tu dis, bon, ce soir, c'est la dernière. Et là... ton standard explose et t'as envie de leur dire, mais pourquoi vous avez pas appelé avant, quoi? Pourquoi vous êtes pas manifesté avant? Et là, c'est terrible comme sentiment, parce que tu dis au revoir, c'est fini, alors que tu sais que ça marche. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Fais-en. C'est facile, c'est... Même aujourd'hui. Oui. Bon, les portes sont plus compliquées maintenant parce que... Parce qu'on les pousse pas aussi facilement qu'avant. Oui, et puis il y a moins de programmes. Voilà, il y a moins besoin. Moi, je pense que si j'avais 20 balais aujourd'hui, j'irais sur Internet. Je crois que là, il y a plus de liberté aujourd'hui. Malgré le fait que c'est déjà pris par l'argent, par tout ça. Bon, il n'y a pas la magie. Alors, si tu veux faire de la radio... Faut s'accrocher, quoi. C'est pas facile. Là, c'est parce qu'il n'y a plus les FM, tout ça. Et voilà, il y a moins de programmes. Mais bon, faut y aller. C'est magnifique. Faut pas lâcher, quoi. En fait, mais bon, c'est une banalité terrible parce que c'est pareil. Si tu me demandais sur n'importe quel métier, il faut être persévérant. Voilà, c'est tout. Oui, de toute façon, c'est pas spécifique à la radio. Non, il faut jamais lâcher. Enfin, quand t'es sûr de toi. Oui, c'est sûr. Ah, c'est une belle manière, je trouve, de terminer cette année 2014 avec ce 9e épisode de La Mécanique des Ondes. Ben, ravi. Alors, moi, j'ai envie de vous souhaiter beaucoup de choses pour 2015. Oui, merci. Vous aussi. J'ai entendu que vous alliez peut-être faire quelque chose dans les romans policiers. Oui, parce que j'ai envie d'avoir une carrière d'auteur de best-seller qui serait rachetée par Hollywood. Ça, c'est un beau programme pour 2015. Ouais. Et tu vois, c'est là, il faut être persévérant. Merci beaucoup, Eric Lange, d'être venu dans La Mécanique des Ondes. Et à bientôt. À bientôt.